moi j'ai de la bitatibi, moi j'ai le pays qui est un arbre fort, moi j'ai le pays qui pousse dans le nord. Pour aller pantitou et mettre la forêt avec ses nœuds. Il y avait Pacenzo, il y avait Roche Boxo, puis des bras durs comme la roche, puis des cuisses comme des combats, puis du front tout autour de la tête, puis qui n'était pas si vrai. Oh, oh, oh.